Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la guerre civile espagnole. Guerre civile, la plus atroce des guerres, qui voit le frère lever les armes contre le frère, le fils contre le père et la moitié d'un pays contre l'autre. Judith Jasmin à l'émission Premier plan qui rappelle en octobre 1960 les atrocités de la guerre d'Espagne. De 1936 à 1939, l'Espagne sera profondément divisée. Républicains et nationalistes s'affronteront dans une guerre à finir. Ces trois années de guerre seront particulièrement violentes. Les nationalistes du général Franco vont sortir vainqueurs de cette guerre qui aura aussi servi de banc d'essai à Hitler et Mussolini, tous deux alliés de Franco, en préparation de la Deuxième Guerre mondiale. Entre décembre 1938 et février 1939, la Catalogne tombe aux mains des franquistes et sa capitale, Barcelone, est conquise par les troupes de Franco en janvier 1939. Durant les derniers mois de la guerre, des colonnes de réfugiés républicains, civils et soldats mêlés, traversent la frontière française pour échapper à l'internement ou au peloton d'exécution. Les autorités françaises les parquent aussitôt dans des camps dressés à la hâte. La France et la Grande-Bretagne reconnaissent le gouvernement nationaliste dès le 27 février. Madrid tombe à son tour le 28 mars. Et le général Franco peut y défiler en vainqueur. La guerre d'Espagne, qui fut à la fois guerre sicable et répétition générale de la guerre mondiale qui vient, s'achève après trois années de combat. La fin de cette terrible guerre d'Espagne, résumée ici en moins d'une minute, récit accompagné d'un chant patriotique républicain. Comment l'Espagne en viendra-t-elle à s'entre-déchirer aussi violemment entre 1936 et 1939? Pour nous raconter la guerre civile espagnole, je reçois Valérie Blanc, qui est professeure d'histoire au cégep Édouard-Montpetit. Valérie Blanc, bonjour. Bonjour. Je vous la pose directement, la question, Valérie Blanc. Comment on en arrive à cette guerre civile espagnole? En fait, il faut comprendre que la République, la Seconde République espagnole, a été décrétée suite à avril 1931, où il y a eu des élections municipales et où le pacte de San Sebastián a pris le pouvoir. La République s'est installée. Dans un deuxième temps, il y a eu aussi des élections en 1934 où la droite a remporté. Suite, en fait, aux anarchistes qui ont tout simplement donné l'ordre de ne pas voter. Et en 1936, donc au printemps 36, les républicains, ceux qu'on va appeler maintenant les républicains, donc reprennent le pouvoir. Et cette république, elle était contestée de toutes parts. Elle était contestée à la fois par les anarchistes qui voulaient aller beaucoup plus loin que les républicains par des actions subversives, renverser l'ordre social. Et elle était contestée aussi par l'armée qui voulait conserver ses privilèges, par les catholiques en raison des mesures laïques drastiques et aussi par les paysans, comme il n'y a pas eu justement la réforme agraire tant promis. Bref, ça va mal, personne n'est content. Une Espagne très, très fragmentée, même si, bon, c'est cette Deuxième République en 31 qui crée beaucoup, il y a beaucoup d'instabilité. Ça se règle manifestement pas. On crée la Deuxième République en se disant on va poser de nouvelles bases, mais ça marche pas. 36, il est élu le Front populaire, mais malgré tout, très contesté. Et tout de suite après, donc, il y aura, parce qu'il y en a toujours un prétexte. Quel sera le prétexte qui mènera au déclenchement de la guerre civile? En fait, le prétexte, c'est l'assassinat du leader monarchiste José Carlos Sotelo. Donc, ce prétexte sert au camp nationaliste, donc, pour déclencher le coup d'État. Oui, parce qu'il y a deux camps, effectivement, qui, pendant trois ans, vont s'affronter très violemment. Le camp nationaliste dont vous parlez, le camp républicain, qui est associé au Front populaire qui a pris le pouvoir en 1936. Qui sont-ils, ces deux camps, en quelques mots? Les nationalistes, en fait, c'est la droite. C'est ceux qui veulent conserver l'ordre établi, mais pas tant, en fait, parce qu'il n'y a pas que des monarchistes. Mais si on peut résumer, on peut dire qu'ils veulent avoir un pouvoir fort, donc centralisé, et surtout conserver les privilèges de l'armée. Et aussi, vous avez dans les nationalistes des catholiques. Donc, le clergé, oui. L'armée, l'ordre établi, comme vous le disiez. Donc, quelques monarchistes. Ouais. Et il y a la Falange aussi, partie de la Falange, qui est le parti fasciste. Bon. De l'autre côté, les Républicains. Oui, les Républicains, en fait, est constitué, est très hétéroclite. Donc, comme la gauche en général, il n'y a pas de consensus qui s'installe au sein des Républicains. Ça va des factions socialistes qui sont alliées avec le Parti communiste espagnol. Et d'un autre côté, on a un autre camp, si on peut résumer, avec le PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui sont beaucoup plus près du communiste libertaire, et les anarchistes qui sont vraiment à l'extrême gauche. Bon. Alors, ça va commencer donc cet affrontement en 1936. Franco va devenir la tête dirigeante du camp nationaliste. Pour voir un peu comment ça va se passer, on écoute un extrait d'une série documentaire « Les alliés de Franco » qui nous raconte un petit peu le glissement, ce qui va conduire. On est vraiment juste avant le coup d'État. Écoutez ce qui suit. En semi-exil aux Canaries, Franco, pourtant tout acquis à la rébellion, hésite à rejoindre le soulèvement. La lettre qu'il a envoyée au ministre de la guerre le 23 juin 1936 est un modèle de duplicité. Respecté ministre, l'inquiétude soulevée parmi les officiers est si grande que je manquerais à la loyauté que je vous dois si je ne vous communiquais mes impressions sur la situation. Ils mentent, ceux qui vous présentent l'armée comme opposée à la République. Ils vous trompent, ceux qui feignent des complots. Trois semaines plus tard, Franco débarque au Maroc, tête de pont de la reconquête. La guerre civile peut commencer. Parmi la douzaine de généraux qui ont participé à ce qu'il faut bien appeler un coup d'État militaire, Hitler et Mussolini ont choisi. C'est à Franco qu'ils apportent matériel, aide et assistance. Alors, Valérie Blanc, à quoi joue Franco? On l'entend dans cet extrait, lettre au ministre en place, au ministre de la guerre qui est au pouvoir, lettre le 23 juin 36, et quelques semaines plus tard, le 17-18 juillet, coup d'État auquel participe Franco. À quoi il joue notre ami Franco, là, à ce moment-là? Mais en fait, Franco, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un africaniste. Donc, au sein même de l'armée, là, il y avait des perceptions qui étaient différentes sur le rôle que devait jouer l'Espagne. Puis, Franco, à ce moment-là, en fait, a déjà conclu des accords avec Mussolini. Il faut dire que c'est Mussolini qui lui a fourni les avions qui ont servi au débarquement du Maroc espagnol. Et, parce qu'il va gagner effectivement l'Espagne, lui, depuis le Maroc. Il est au Maroc, il est en Maroc, Afrique. Effectivement, au Maroc espagnol. Et c'est là qu'il va entrer donc en Espagne pour participer à ce coup d'État. Tout à fait, exactement. Puis, ouais. Dans le fond, lui, Franco, la façon dont il mène sa politique, l'idée, c'est vraiment d'avoir une centralisation, en fait, des pouvoirs, parce que c'était l'objectif premier. Donc, il le sait très bien, là. Quand il écrit cette lettre, pour lui, c'est clair, c'est du pipeau, ce qu'on vient d'entendre. Il prépare déjà ce coup d'État. Il prépare déjà, oui. La contestation, elle est déjà dans les officiers de l'armée, notamment chez Franco. Et effectivement, lorsqu'il écrit la lettre en soi, il est déjà en train de voir. Puis ça s'inscrit vraiment dans un contexte particulier, un débat avec les africanistes en Espagne. Il y a, dans l'extrait, on dit, hein, il n'est pas seul, Franco. Il y a une douzaine de généraux qui veulent renverser le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que c'est Franco qui deviendra le chef de ce camp nationaliste? Mais en fait, la force de Franco, on peut dire aussi que c'est le fait que la tête dirigeante du mouvement nationaliste, qui était San Rujo, est décédée dans un accident d'avion. Au début du coup d'État. Effectivement, en quittant le Portugal pour aller en Espagne. Et donc, le fait que San Rujo soit décédé, ça l'a laissé le champ libre pour qu'il y ait une autre tête dirigeante. Puis, Franco avait une modernité dans la conception du pouvoir, le rôle de l'armée, qui était fort différente de ce qu'on retrouvait ailleurs. Et c'est l'homme le plus fort, finalement, de tous ces généraux, bêtement, j'imagine. Mais en fait, le général Moller était aussi assez fort, mais Franco a su se positionner, notamment avec son alliance avec l'Italie. Et ça va être important, puis on va y revenir, l'appui de l'Italie, de Mussolini et d'Hitler, l'appui de l'Allemagne nazie et d'Hitler. Donc, il va la gagner, Franco, cette guerre, mais ça va être long. Le putsch, ça va prendre 3 ans. Le putsch, c'est les 17 et 18 juillet que le coup d'État est tenté. Échec. dans un premier temps, et puis le 19 juillet, soulèvement. Soulèvement, entre autres, de la population de Barcelone, appuyé par les grands syndicats ouvriers. Ça va donner le ton à ce qui va suivre. On écoute le récit de ce mouvement populaire du 19 juillet avec un extrait du documentaire « Vivre l'utopie ». 19 juillet 1936, les ouvriers de Barcelone alertent la population avant le coup d'État militaire. Lorsque les sirènes ont sonné, la foule est venue de Horta. Je ne sais combien de milliers de personnes sont descendues par l'avenue Santa Eulalia jusqu'à la caserne de San Andrés. Il commençait à faire jour. Nous sommes descendus et en arrivant sur la route de Sants, on a vu une voiture avec l'insigne CNT Faille et on l'a arrêtée. Qu'est-ce qui se passe? Et il répond, c'est place de Catalogne. À la hauteur des arènes, une compagnie arrivait par derrière, les fusils en position de tir et les officiers pistolets à la main. Alors on est sortis de tous les coins de rue pour leur tirer dessus. Et on a un peu semé le désordre dans leurs troupes. On nous reproche de nous être emparés de 40 000 fusils, de je ne sais combien de canons, de chevaux, parce que nous étions là. Mais il n'y avait pas que nous. Il y a même des photos de gardes d'assaut abrités derrière un cheval. Ils venaient avec nous, ils n'allaient pas avec leur unité. Les militaires ont eu peur et ils se sont rendus. Enfin, malgré le gouvernement, malgré tout, le peuple de Barcelone, mené par la CNT, a battu l'armée. Barcelone a fait changer les choses. Et Barcelone a poussé Madrid à prendre la caserne de la Montaña. Que se passe-t-il, Valérie Blanc, le 19 juillet 1936? Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les nationalistes croyaient à un coup d'État classique qui allait se terminer très rapidement, en raison du fait notamment qu'il y a beaucoup de contestations de la République au sein de la population. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'Espagne refuse ce coup d'État. Et donc, les ouvriers menés, surtout par les très grands syndicats, donc on parle ici de l'UGT, l'Union générale des travailleurs, et la CNT-FAI, dont on a entendu dans l'extrait, qui est la Confédération nationale du travail, qui est le syndicat anarchiste, vont être encouragés, en fait, à prendre les armes, d'aller véritablement dans les casernes, d'aller prendre les armes, puis combattre pour la République. Et refouler finalement l'armée qui tente ce coup d'État. Et ça va se passer à Barcelone, ça va se passer à Madrid. En fait, dans un premier temps, c'est un échec complet, là, le coup d'État. Tout à fait. Le coup d'État en soi est un échec parce que la population des grandes villes, on parle souvent de Barcelone et Madrid, ce ne sont pas les seuls, mm-hmm. Bilbao par exemple. Donc c'est vraiment l'intelligentsia, les ouvriers qui vont finalement refuser de laisser aller la Nouvelle République. Ça va créer quoi dans les semaines? Évidemment, ça, c'est le début de la guerre civile, mais comme climat, dans les semaines, dans les mois qui suivent, je pense que le milieu économique est très apeuré parce que c'est des milliers d'ouvriers qu'on voit dans les rues armés. Il y a un esprit révolutionnaire aussi, là. C'est les républicains qui tiennent le coup pour l'instant. Les républicains, on le rappelle, mais c'est la gauche, très divisée, mais c'est... Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça crée comme climat dans les semaines qui suivent la tentative ratée du coup d'État? Pendant les grandes villes, il est certain qu'il y avait un climat révolutionnaire, donc parce qu'il y avait un discours, entre autres, de révolution sociale qui circulait au sein des républicains, donc de renverser le pouvoir politique et économique, d'aller beaucoup plus loin là, que seulement la République, mais de véritablement instaurer, que ce soit le communisme libertaire ou l'anarchisme. Et pour ce qui est évidemment des campagnes, alors là, on était dans un climat qui était beaucoup de protection, en fait, des symboles. Parce que c'est un climat qui était très violent. Donc, même au sein des mêmes familles, il y a eu des meurtres entre les familles, le cousin, le frère. L'Espagne est vraiment divisée. Tout à fait. Ouais. Parlons-en de cette violence-là, parce qu'elle sera extrême, des deux côtés. Commençons peut-être par les nationalistes. Donnez-nous quelques exemples qui nous montrent à quel point ce sera violent, cette guerre d'Espagne. Mais les nationalistes, en fait, dès qu'ils mettent la main sur des républicains, donc ils les fusillent sans aucun procès. En fait, c'est le parti de la phalange qui va surtout s'occuper, je vous dirais, de la violence au sein des républicains. Donc, parti de la phalange, je vous le rappelle, est fasciste, mais il faut quand même mentionner que Franco n'était pas un fasciste. Je tiens à faire cette précision parce que parfois, on l'entend. Donc, le Parti de la phalange qui est le bien organisé. Ce sera un sacré dictateur jusqu'en 1975, par ailleurs. C'est une dictature militaire traditionnelle comme on en voit ailleurs, comme Pinochet, par exemple. Mais sur la ligne idéologique, mais là. Oui, tout à fait. Bon. Donc, ce qui a amené de la violence, évidemment, c'est des assassinats, c'est des enlèvements qui sont faits de la part des nationalistes. Et donc, pendant la guerre d'Espagne en soi, mais on a surtout, je pense toujours à cette idée, donc quand on parle de la violence des nationalistes, c'est l'enlèvement des enfants, des républicains. Et puis des grandes batailles, et puis cette grande bataille, enfin celle qui sera immortalisée par Picasso, le bombardement de Guernica. Tout à fait. Donc, Guernica, en fait, qui est une petite ville de la province basque qui a été... la première ville à subir la Blitzkrieg, donc la guerre éclair allemande, où on a utilisé justement à outrance le bombardement de la ville, ça a été complètement détruit. Donc les civils, évidemment, qui meurent. Effectivement. Les populations civiles, parce qu'on pionne là. Exactement. Les nationalistes, en fait, aidés évidemment par la fameuse Légion Condor des Allemands, ont utilisé énormément le bombardement des civils pour user justement le moral de cette population civile. Et petite parenthèse, on l'a un peu évoqué, ça a été évoqué dans les extraits qu'on a entendus, Valérie Blanc, mais c'est ça. Pour Mussolini, l'Italien, pour Hitler, c'est ça, la guerre d'Espagne. C'est un véritable banc d'essai. On essaie la Blitzkrieg, on essaie différents types d'armements, on se fait plaisir. On prépare la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. En fait, ça a été vraiment le terrain idéal, à la fois, mais surtout pour les Allemands, en fait, parce que les Italiens vont suivre les Allemands dans leur stratégie tactique, mais les Allemands, donc, ont testé abondamment tout ce qui concerne l'aviation, donc comment utiliser les avions, la Blitzkrieg, comment elle fonctionne, sur quel type de terrain, de quelle façon on doit procéder en mettant l'infanterie en arrière-plan. Ce qui est nouveau à l'époque. Mais ça a été aussi la scène d'un rapprochement entre l'Allemagne et l'Italie qui n'était pas si évident déjà en 1936. Du côté républicain, ce sera aussi très violent. On va s'attaquer durement à certains politiciens, au clergé. Et c'est des massacres, là, carrément, dans certains cas. Comment ça se passe, la violence côté républicain? Oui, tout à fait. En fait, chez les républicains, en fait, faut dire, il y a deux choses. D'une part, effectivement, contre les représentants de l'ordre établi, il y a cette violence. Donc, on parle ici, évidemment, du clergé, de l'aristocratie. Les républicains, en fait, les anarchistes ont quand même exécuté 1/5 du clergé de l'Espagne. Donc, somme toute, c'est assez important comme chiffre, donc 20%. Et concernant la violence au sein même des républicains, en fait, il y avait une guerre civile dans la guerre civile entre les pro-staliniens et les anti-staliniens. On s'entend pas entre républicains. Ça va jouer beaucoup dans l'issue de la guerre, Valérie Blanc, cette division interne des républicains, cette violence à l'intérieur même des troupes républicaines. Assurément. En fait, la guerre civile, dans la guerre civile, mine les forces des républicains. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui expliquent que les républicains ont perdu la guerre. Mais le fait que, justement, l'URSS soutienne seulement un des camps, puis non seulement ça, mais envoie des commissaires politiques pour assassiner les anarchistes et les représentants du POUM qu'ils considéraient comme étant trotskistes. Donc, c'est vraiment dans le phénomène des grandes purges. Donc, division interne qui va faire très mal. L'autre facteur, en fait, c'est l'appui massif des Allemands, j'imagine, qui fera la différence et qui fera que Franco va sortir vainqueur de cette guerre. Tout à fait. Il faut dire que l'Italie a envoyé quand même 75 000 hommes, les Allemands 16 000 hommes, dont 6 000 de la Légion Condor, qui est l'aviation allemande, et donc évidemment du matériel, ce qui fait en sorte que les nationalistes avaient un grand soutien. Il faut aussi mentionner que les républicains avaient des difficultés d'approvisionnement. Donc, les nationalistes contrôlaient la campagne, donc la nourriture. Évidemment, ça devient beaucoup plus complexe quand on est en période de famine de se battre. Quelle sera la position canadienne face à la guerre d'Espagne? On écoute à ce sujet-là un extrait de la revue de fin d'année de 1939 de Radio-Canada. La question espagnole qui a si lourdement pesé sur la politique internationale depuis le commencement de la guerre civile semble, dès le début de janvier, prendre une tournure favorable. En effet, la prise de Tarragone, puis l'entrée triomphale des troupes franquistes dans Barcelone le 26 janvier, est le commencement de la fin. Il faut s'en réjouir, non pas parce que l'on prend parti pour tel ou tel en ce drame intérieur, mais parce qu'on entrevoit que le sang espagnol cessera de couler, parce que ce pays s'est durement éprouvé pour enfin retrouver le calme et reprendre goût à la vie, que la générosité du vainqueur reconsidéra les fils d'une grande nation dans la paix revenue. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Valérie Blanc, de ce qu'on vient d'entendre, extrait de la revue de fin d'année de Radio-Canada en 1939? On dit dans cet extrait, ce n'est pas pour prendre parti, mais franchement, on écoute ça, puis on a l'impression qu'on entend un grand ouf en sourdine. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que pour plusieurs nations, puis notamment le Canada, c'était beaucoup mieux que les nationalistes prennent le pouvoir parce que les républicains étaient perçus comme des communistes. Donc, c'est vraiment la peur des rouges. Ce qui fait en sorte que la plupart des puissances donc occidentales sont assez satisfaites finalement qu'il y ait un gouvernement de droite qui prenne le pouvoir, une dictature de droite, parce que, de toute façon, ça protège finalement du communisme. Hein, on est encore dans cette crainte du communisme. Et faut dire aussi qu'on est dans le contexte qui précède donc la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas si évident là, que la Deuxième Guerre mondiale va se passer, mais on est toujours dans l'esprit de « on fait des concessions pour éviter la guerre ». Et puis, probablement une candeur, je reviens à cet extrait-là. On parle à la fin de l'extrait de la générosité du vainqueur. Ça, vraiment, s'il y a une chose qu'on peut se dire, c'est que la guerre civile d'Espagne finit en 1939. Franco est à la tête d'une dictature pendant 35 ans jusqu'à sa mort en 1975. Mais la guerre civile d'Espagne, pour Franco, ne se termine pas en 1939. La répression va continuer longtemps et sera très, très dure. Pas de générosité du tout du côté de Franco face à tout ce qui est associé aux républicains. Tout à fait. En fait, la répression perdure jusque dans les années 60, là. Donc, c'est une répression qui est très violente. Puis d'ailleurs, ça a amené un mouvement de réfugiés espagnols qui ont quitté. On parle de plus de 500 000 en France. En un mot, l'importance, ce qu'il faut retenir de cet épisode-là, Valérie Blanc? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours analyser la complexité du conflit. Le premier regard n'est pas nécessairement le meilleur regard qu'on peut poser sur un conflit. Ça me fait penser en fait à la guerre civile en Syrie qui se passe actuellement. Je pense que le conflit est beaucoup plus complexe qu'il n'est présenté à prime abord et surtout dans les médias. Puis il faut se méfier aussi de la propagande qui était fortement active pendant la guerre d'Espagne. On s'arrête là-dessus. Valérie Blanc, professeure d'histoire au Cégep Édouard-Montpetit, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jean-Louis Beauchamp, je vous dis à la prochaine.